Les ténèbres. Nous errons comme des âmes perdues dans l'abysse. Bill, plaide Lanchéa en toussant. Attends-moi. Les nuages de poussière ont englouti le centre-ville. Il reste que ce brouillard de talc dans la nuit noire, spectral et irrespirable. Un bruit de fond tapisse les rues d'un nouveau silence. Un silence de mort. Parmi les papiers virevoltants, des centaines de silhouettes fantomatiques déambulent ça et là, perdues. Hagarde, blanchâtre de la tête aux pieds, elles se traînent dans la cité morte, leurs pleurs et leurs complaintes se fondant dans la brume poussiéreuse. Elle psalmodie dans des bouts de plastique qui répondent plus. Viens, je lance à Lanchéa à travers mon mouchoir. Tiens ma main, je t'abandonnerai pas. Sa petite main, douce et fragile. Elle a de la difficulté à maintenir la cadence avec ses escarpins. Je ne veux, ne peux pas la perdre. Tout s'écroule, mais je dois sauver ma fleur. Mon phare dans la nuit. Mes 8 gardes du corps emboîtent le pas, nerveux, soudainement vulnérables. L'enfer éthéré se referme sur nous, de plus en plus opaque. Tout s'est éteint, lampadaires, vitrines, plus rien fonctionne. Je reconnais à peine le coin de rue. Des carcasses de voitures jonchent ce qui était autrefois le boulevard Saint-Antoine, abandonné, éteinte, sans vie. Nous filons entre les portières, émergeant sur la place du Canada, des feuilles d'arbres vacillant à l'agonie, grises et plâtrées. Ma vie s'écroule. C'est pas possible. Je tousse violemment. Mes poumons brûlent. « Ça vient de l'intérieur, » disait Katia. « J'ai été trahie, ou pire, dépassée par quelqu'un de meilleur. L'arcologie, mon arcologie, ses résidents. Mes bureaux, mon centre des commandes, le nouvel épicentre de toute la province. Ensemble, comme ça. » Et tous les circuits de la foutue métropole simplement frits aussi loin que l'œil puisse voir, dans toutes les directions. Et paf, on retourne à l'âge de pierre. « Bill !» s'écrie Lanchéa. « Fais quelque chose !» Je tourne les talons pour voir des silhouettes disparaître au loin. Mes gardes du corps, mes employés, il n'y en reste plus qu'un seul. Celui qui m'appelait par mon nom de famille au club. Ce connard. Pff, quelle chance j'ai. Et même lui veut s'en aller. Mais il recule en secouant la tête, navré. « J'ai une famille !» fait-il en se raclant la gorge. « Patron, des enfants, je dois aller les voir, m'occuper d'eux. » Je suis désolée, désolée. Il me tourne le dos. À moi. Les yeux de Lanchéa me dévisagent, emplis d'une détresse mêlée de colère. Je dois encore tout faire moi-même. Mais qu'importe, ça a toujours été comme ça. Alors je serre les mâchoires, incapable de la décevoir. Sans hésiter, je me recroqueville, dégaine le calibre 38 depuis son étui fixé à ma cheville. Facile. Le coup de feu sec est avalé dans le brouillard, happé par les limbes, alors même que mon garde du corps tombe à genoux, s'écroule dans un amas de cendres. Loser, je vocifère en rejoignant la dépouille. Le sang de cet imbécile se répand. Grisâtre dans la poussière. Je fouille le cadavre encore chaud, prends son pistolet. J'aurai besoin de toutes les armes du monde. Alors? Demande Lanchéa en crachant par terre. Quel est le plan, exactement? » Pendant un instant, je suis surpris par sa beauté funéraire. Ses lèvres noires, sa peau livide et grise, enchâssée dans cette robe maintenant bourgogne. À la fois lasse et défiante, cruelle et impassible. Puis je pourrais m'effondrer là, me recroqueviller comme un marmot et pleurer toutes les larmes de mon corps. Si ce n'était d'elle, mon trophée, ma déesse, mon ange de la mort. Fais-moi confiance. Je lui réponds. Tout ça n'est qu'un contretemps. Je nous sortirai d'ici. J'ai pas dit mon dernier mot. Tu verras. Encore quelques rues et on est arrivé. Je réfléchis avant d'ajouter « Tout ira bien. » Et j'y crois. L'Anchea doit lire ma sincérité quelque part dans la poussière, la fumée et les ténèbres, parce qu'elle acquiesce, retire ses escarpins et me rejoint nu-pieds. Main dans la main, nous fuyons sous une neige de cendres.